jouer de toi pour m'amuser un peu. Et je me suis pris à mon propre jeu. Tu sais, je t'aime, j'en suis sûr à présent. Mais il est trop tard pour te le dire maintenant. Voir tes yeux bleus dans mon miroir, comme un chemin qui ne conduit nulle part. Je ne pourrais pas vivre sans te revoir. Ma raison se perd dans ton regard, bien plus fort que l'amour. Je veux graver ton nom à l'encre de mon cœur. Je veux que tu renonces à ta pudeur. Bien plus fort que l'amour, je veux t'aimer. Bien plus fort que l'amour. Chercher ailleurs pour pouvoir t'oublier. J'ai tout fait pour te perdre sans y arriver. Pour te venger de moi, tu m'as donné ta peau. Comme on offre un jouet, un cadeau. On s'est retrouvés dans nos souffles courts.